Bonjour tout le monde, ici André Péloquin, trésor humain, je le sais, et vous écoutez Pas de modernisme, le 48e épisode. Salut tout le monde, c'est André, j'espère que vous allez bien et que vous passez un incroyable hiver. Trêve de formule de politesse, quoi neuf pour vous? Essayons d'établir un dialogue. Moi, il n'y a pas si longtemps, j'ai lâché mon émission de radio qui était diffusée sur CISM, le 89.3 FM, qui s'appelait Plectrum. Pour avoir plus de détails, le site est toujours en ligne, c'est le plectrumcism.blogspot.com. Je vais pas m'éterniser sur les raisons qui m'ont poussé à lâcher cette émission que j'animais depuis 3 ans. C'était mon bébé à moi. Mais disons tout simplement que la plus grosse, c'était surtout le fait que je n'avais plus beaucoup de temps à maintenir une émission de 2 heures hebdomadaires avec mon nouveau boulot de 40 heures semaine et plus, c'est des poussières. Alors, je vais me concentrer maintenant sur la balado-diffusion. Et pour ceux qui écoutent seulement Pas de modernisme, je vais vous dire, ben, qu'est-ce qu'on en a à battre, André, que tu avais une émission de radio? Eh bien, c'est que le contenu de Pas de modernisme va changer un peu. De toute façon, vu qu'au Québec, je veux dire, c'est quand même 7 millions d'habitants et des poussières, il n'y a pas des nouveautés qui sortent, c'est des nouveautés potables qui valent la peine de s'exciter à l'entour et qui sortent de semaine en semaine. Alors, on va essayer d'innover un petit peu le contenu sur cette balado. On va rester fidèle à sa mission de faire jouer de la musique alternative québécoise, mais on va aussi faire des éditions qu'on va alterner, locales et internationales, parce que, bien sûr, comme tout le monde, je n'écoute pas que de la musique qui a été faite au Mile End. J'écoute aussi des trucs qui viennent de France, des États-Unis, du reste du Canada, et c'est ça, j'aimerais vous faire jouer ce que j'aime et peut-être même vous faire découvrir des trucs. Pour cet épisode-ci, on va continuer avec des trucs locaux que je voulais faire jouer il y a quelques semaines, mais qu'avec le temps de s'habituer au nouveau job, je n'ai pas eu le temps. Alors, désolé si ce n'est pas chaud, chaud, chaud, chaud. Et on va débuter dès maintenant avec un petit peu de hip-hop. On va avoir Thunder Heist, la révélation montréalaise avec Suenos Dulces. On va aussi avoir un extrait de Bouncer Remix 2 de Ghislain Poirier avec Joels Santana, mais avant Lil Peep avec la pièce Close to Jew. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, on peut me rejoindre par courriel au podmodernisme podmodernisme@gmail.com. J'ai aussi un blog, c'est le podmodernisme, podmodernisme.blogspot.com. C'est la dernière fois que je vous en parle d'émission, on continue en musique dès maintenant avec Lil Peep et Close to Jew. Looks like a bad, looks like what's his bad, look, I'm getting fat. Like a giga giga go, giga gang. C'était Thunder Ice avec Suenos Dulces. Un peu avant, on avait Jules Santana de Ghislain Poirier et on a débuté avec Little Pip. C'était Close to You. On va poursuivre dès maintenant avec des trucs un petit peu plus électro. On va avoir entre autres du Donzel, un projet de DJ Violette Vilaine de CISM en compagnie de Sexy Chien, qui est, je crois, Sexy Boy. C'est la pièce de danse Lousseau. On va aussi avoir les Georges Ingral avec Supa Dupa, Duchesses avec Black Flag, le Pirate Sound System Remix. Mais avant, Andy Wynn avec la pièce Monster Dinosaur sur cette 48e édition de Podmodernisme, l'édition enrhumée. de danse dans ta tête. Comme io sous ta consuspite. Je de danse dans ta tête. Et je vais rocker ton bateau. Soy au Portugal et Montréal. Estendendo il mio monopolio. Mais longe que Rachel et Marianne. Gentil, educada como os criando o medo e inveja nos outros donzela sexy chat de carcavelo chamargue and a pretty girl feeling all there working hard and studying all day. Sexy dog is a goddamn fisherman. I'm bringing back all the old stuff. The damsel is crazy and she is nasty. She jumps from the net and won't get down on my toboggan. Je de danse dans ta tête. Comme il sous ta consuspite. Je de danse dans ta tête. Et je vais rocker ton bateau. C'était Donzel en compagnie de Sexy Chien, la pièce de danse, Lusso. Un peu avant, on avait les Georges Ingrats avec Supa Dupa, de Chesses avec Black Flag, le Pirate Sound System Remix, et on a débuté avec Dandy Wynn, c'était la pièce Monster Dinosaur. Pour terminer ce 48e épisode de Podmodernisme, on va y aller avec quelque chose de tout à fait aux antipodes de ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire du folk. On va avoir entre autres du Emily Proulx avec Que passent les heures et du Sabrina Belmar avec Viens avec moi. À la prochaine, salut! See you.